Bonjour et bienvenue à Classique Toujours. C'est le titre de l'émission que j'ai trouvé ce matin pour bien choisi. Le spécial musique classique comme on le fait au Radioton de CKRL tous les samedis matins de Radioton. C'est comme ça depuis plusieurs années. Absolument. Alors, Marie Fortin, directrice du club musical, bonjour. Bonjour. Laurent Patenaud, animateur à CKRL, on va commencer comme ça par l'émission du matin du classique du samedi matin. Ben oui. L'accroche-cœur, directeur de l'administration artistique des violons du roi. Absolument. Ah, je l'ai eu. C'est Gilles Chaumel qui est au micro pour vous parler de la musique classique à Québec, pour savoir comment elle se porte, comment elle pourra mieux se porter, si c'est le cas échéant, et pour connaître les principales saisons de nos invités de ce midi. En commençant peut-être par... tiens, Marie, si tu voulais te présenter quelques minutes comme... Tu étais directrice artistique du club, mais dans la vie, tu as fait autre chose. Comment on fait pour arriver à ça? Ah, mon Dieu, que les chemins peuvent être divers, sûrement, pour arriver à cet endroit. En ce qui me concerne, ça a passé par l'implication bénévole. On ne sait jamais où ça peut nous mener. Et puis, j'étais impliquée... Dans le club? Au club musical, où okay. Je tournais les pages à partir de l'âge de 16-17 ans. Donc, tu es musicienne? Donc, je suis musicienne, bien sûr. L'action bénévole au club musical est essentielle, n'est-ce pas? Oui, c'est au centre, c'est-à-dire à part la direction artistique, c'est au centre de toutes les opérations, de toutes les tâches de soutien autour de la direction artistique aussi. Même si ça fait 126 ans maintenant que ça existe? Ah oui, même si ça fait 127 en 2018, oui, okay. 127. Donc, oui, à la base, je suis musicienne, je suis pianiste accompagnatrice de formation, j'ai étudié en Allemagne, et puis plus le bénévolat au club musical, tout ça a construit vers un moment charnière où la directrice en place depuis 40 ans, Louise-Florence Sanson, cherchait une relève. J'étais là, ça m'intéressait, donc on est entré dans un processus de passation. Puis... Quand on connaît Louise, voilà. Elle a dû avoir de la difficulté à laisser sa place. Pas particulièrement, non, dans le sens qu'elle était vraiment mûre pour ça. C'était un dossier, le dossier de la relève, c'était quelque chose sur lequel elle travaillait depuis presque une dizaine d'années. Donc, je pense qu'elle a eu le sentiment de trouver. Puis de ça, puis vous étiez avec elle depuis longtemps? Moi, j'ai travaillé avec elle 2 ans et demi. Avant d'être officiellement directrice artistique, puis qu'elle ait pris sa retraite, en fait, officiellement. Et vous êtes musicienne, donc, en quel instrument en particulier? Bien, pianiste accompagnatrice, donc piano. Piano. OK. Toi, Laurent? Je te tutoie, là. Non, c'est parfait. Parfait, on se connaît depuis longtemps déjà. moi, je suis, musicienne de formation aussi. J'ai commencé par le chant choral, jeune. C'est de famille, ça. Ensuite, j'ai fait du violon et de l'alto. Mes études principales au conservatoire à Montréal ont été faites en alto. C'est grâce à l'alto que j'ai connu les violons du roi, parce que j'ai été musicien surnuméraire pendant quelques années. Et puis, à un moment donné, les violons du roi ont eu besoin de quelqu'un. Je faisais de l'histoire de la musique. Les gens savaient que je m'intéressais à plusieurs facettes du métier. Donc, les gens se sont tournés vers moi sans que ce soit vraiment prévu. Et donc, je suis arrivé là. Et ça fait 20 ans cette année que je suis à Québec pour les violons du roi. Alors, on écoute une pièce musicale. Et on continue par la suite. Ça va être dans ton programme, ça, Marie, si je ne m'abuse. Thank you. Ça fait partie de du prochain concert du Club musical de Québec. Si on parlait un peu de la programmation du Club musical, de ce qui s'en vient, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est... Ce qu'on vient d'entendre, c'est une sonate pour viol de gambe et clavecin de Jean-Sébastien Bach. Alors, c'est interprété au violoncelle par le violoncelliste Steven Isserlis et le claveciniste Richard Eager, qui seront au Club musical à la fin avril, donc le 26 avril. Après être passé au violon du roi. Oui. Absolument, Richard Eager était avec nous, oui. Il y a beaucoup de mix entre vous deux. Hein? Et en fait, oui, peut-être qu'il y en aura plus même dans l'avenir. On ne sait pas. On a certains terrains de jeu comme. Oui, oui. Des salles à partager, entre autres. Absolument. Ben, je vais laisser Marie le dire, mais il y a un beau changement au club musical en termes de salles, non? L'année prochaine. Ah oui, bien sûr. Depuis qu'on a lancé notre saison 18-19, là, c'est devenu chose connue que tous nos concerts seront au Palais Montcalm à partir de la saison prochaine. Donc, oui, effectivement, on partage de plus le terrain de jeu du Palais Montcalm. Donc, la sonorité absolument extraordinaire du palais, c'est... Oui, mais pour ce concert-là spécifiquement, ça va être, ça va être parfaitement adéquat. Là, c'est l'écran qu'il fallait, je pense, pour ça. Puis aussi pour plusieurs autres concerts de la saison qui s'en... On attend quoi d'autre comme concert durant la saison 2018-19 du club musical? Donc, la saison en cours, c'est ça, il reste seulement un concert, c'est celui à venir. Puis sinon, pour la prochaine saison, qu'est-ce qu'on attend? La saison va débuter avec un quatuor à cordes, le Danish String Quartet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de quatuor à cordes au club musical. Ben, ça fait une couple d'années. Il y en un qui était venu remplacer à pied levé Alina Ibrahimova. Et puis, mais effectivement, là, c'est quelque chose qu'on... une présence qu'on espace là, à tous les 2-3 ans. C'est très important que ce soit représenté. C'est un corpus immense là, du répertoire. Là, qui puis c'est un programme riche. C'est un programme extrêmement riche, effectivement. Puis il y a plein d'extraordinaires quatuors à cordes en ce moment là, en circulation. Parce qu'ils vont jouer des... C'est un chant folklorique danois. Ils vont jouer le plus 135, je pense, de Beethoven. Oui, c'est ça. Donc, ils vont jouer le quatuor de Beethoven, le célèbre quatuor Esmuzin. Ah oui? Oui, c'est cité ça. Cité par Kundera dans son... Voilà. L'insoutenable légèreté de l'air. Et oui. Voilà, avec un quatuor de Haydn. Et puis, c'est ça, sur demande spéciale du club musical. Ça va être une exclusivité à Québec. On va avoir des chants folkloriques scandinaves qui sont une de leurs spécialités. OK. Ah oui? Oui. Et on continue avec... j'avais un autre invité important. Oui, oui, oui. Après ça, ça poursuit avec... Il y en a plein. Il y en a six. Allons-y. Alors, on poursuit avec un baryton anglais, Simon Kinnicide, donc un très grand chanteur déjà établi là, sur la scène depuis longtemps. Et puis, qui va venir avec Malcolm Martineau, qui est un accompagnateur notoire, qui vient régulièrement avec nos grands chanteurs. Ensuite, la saison se poursuit avec Jordi Savall. Et Jordi Savall. Le Concert des Nations. Oui. Concert qui est déjà presque plein à un an de... Croyez-le ou non. Partout où il passe, c'est plein. Mais surtout le programme, tous les matins du monde, le programme qu'ils vont présenter, donc qui origine du grand film qui l'a comme mis sur la carte mondiale. Là, c'est... Je pense que les gens sont très enthousiastes. Ça, c'est fascinant parce que c'est un film sombre, hein, on s'entend, et ça a rempli les salles d'un bout à l'autre de l'Amérique. Je pense qu'on pourrait l'écouter, si vous voulez, le Jordi Savall en question. Donc, ça va être Jordi Savaille, mais il fera pas la cérémonie des... Absolument, absolument. Ah oui? Ben oui, c'est une pièce importante dans le film. Ben oui, puis en plus, c'est une pièce excessivement importante du répertoire. C'est probablement une des plus connues, d'ailleurs, là, de ce type de musique, de la musique baroque française de cette époque-là, mm-hmm. étant donné que c'est extrait, en plus, du Bourgeois Gentilhomme, de la musique du Bourgeois Gentilhomme de Molière. Donc, c'est peut-être... les gens l'ont même probablement entendu à l'OSQ lorsque les étudiants du conservatoire d'art dramatique ont fait le Bourgeois Gentilhomme il y a quelques temps là, pour comme spectacle de fin d'année. OK. On continue avec? On continue avec... attendez que je me replace. Ah oui, un pianiste qui est déjà venu nous visiter, Benjamin Grosvenor, un pianiste britannique, 26 ans, une magnifique carrière. Et puis, ça fait deux fois qu'il vient? Ben, ça va être la deuxième fois. Okay. Lui, la première fois qu'il est venu, c'était en 2014. 15, au Palais Montcalm. Au Palais Montcalm. Donc, ça a été le premier récital de piano qu'on a présenté au Palais Montcalm. Donc là, c'est un retour parce que c'est très intéressant à suivre l'évolution d'un grand artiste comme ça, là, dans des âges aussi décisifs. Là. Alors, avec un programme de? Avec un programme beaucoup basé sur Schumann. En première partie, mais qui va aussi là, faire la place à Prokofiev et puis Janáček, si je me souviens bien, là, n'ayant pas le programme sous les yeux. Alors, on change de côté, on s'en va du côté des violons du roi. Mm-hmm. J'allais faire la récréation. La création de Haydn, oui. Donc, la saison prochaine, ça va être la saison inaugurale, si on veut, de Jonathan Cohen comme directeur musical des violons du roi. Il travaille avec nous déjà depuis 3 ans et demi, d'abord pour remplacer Bernard, ensuite un peu dans le processus de transition, mais le titre de directeur musical, il va, disons, l'endosser pleinement à côté de 18-19. Et la création... Là, c'était toi. Ben, à certains égards, pour la programmation. Mais donc... Je suis pas modeste. Et puis, on cherchait donc une œuvre, peut-être une œuvre phare avec laquelle la saison de Jonathan Cohen serait marquée. Et on est allé avec la création de Haydn. C'est une œuvre gigantesque et qu'on n'a jamais faite au Violon du Roi, à la Chapelle de Québec. Et donc, on voulait offrir quelque chose à Jonathan qui soit de l'inédit, puisqu'on fait quand même de ce type de répertoire avec Bernard Labadie depuis longtemps. Et on va continuer à le faire, puisque... Mm-hmm. Bernard Labadie demeure directeur musical de la Chapelle de Québec. Oui. Mais donc, on voulait marquer le coup. Et la création de Haydn, c'est une œuvre absolument magique du début à la fin. C'est sa flûte enchantée. Mais en même temps, c'est son messie. Donc, c'est une œuvre absolument fantastique qui, évidemment, on parle de création, on parle de la genèse, tout ça. On peut, peu importe nos convictions... La magie de l'humanité, le fait qu'on soit surgi quelque part dans le cosmos, mm-hmm. de quelques molécules, peu importe notre religion ou nos croyances, c'est quand même quelque chose de magique et c'est cette célébration finalement qu'on a dans cette musique-là, avec donc 3 solistes fantastiques, et le chœur, l'orchestre assez élaboré. Et donc ça sera en février et mars qu'on va faire ça. C'est Jonathan Cohen qui va diriger le chœur de la chapelle? Oui, tout à fait. Oh, c'est rare. Oui, ça va être une première. Bernard Labadie, c'est pas arrivé souvent. Il y a Trevor Pinnock qui a eu l'occasion de le diriger pour remplacer Bernard qui était malade. Donc, voilà. Et puis Bernard ne sera pas en reste puisqu'il va refaire la messe en si mineur. Donc, un grand chef-d'œuvre qui n'a pas été fait au Violon du Roi depuis 2002. Donc, c'est presque impensable de pas entendre cette œuvre-là pendant plus de 15 ans. Mais c'est vraiment, encore là, un grand, grand chef-d'œuvre qu'on va faire au mois de mai. Et il y aura un autre concert choral. 2019. Mai 2019. En saison 2019. Et d'ailleurs, en plus de le faire à Québec, à Montréal, on va aussi donner cette œuvre-là à New York, à Carnegie Hall. Et il y aura aussi en octobre la messe Nelson et la messe du couronnement de Mozart. Donc, voilà, c'est les 3 grands rendez-vous chorales de l'année. Moi, je propose qu'on écoute justement un de ces rendez-vous chorales avec le début de la création de Haydn. Oui, qui met la table avec la magie, si on veut. D'accord. On est de retour. On parlait de la saison des violons du roi. On parlait de la saison du club musical. Je vous rappelle que nous sommes à Classique Toujours, l'émission spéciale de musique classique du samedi matin du Radioton de CKRL. En passant, c'est un Radioton, donc on fait de la sollicitation, mais on est là pour que vous nous, pour que vous puissiez écouter encore longtemps de la musique classique le samedi matin. Donc, on suggère que vous fassiez votre part, n'est-ce pas? C'est une bonne œuvre, oui, ça vaut la peine. On se rend compte dans les salles de concert qu'il y a de plus en plus de têtes grises dans la salle, mais que ça reste extraordinairement jeune sur la scène. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique cette situation-là? C'est sûrement plusieurs facteurs combinés, plusieurs raisons en même temps. Personnellement, je dis rien qu'on était grise. Ben non. Parce que, c'est riche. Et puis, c'est... Il y a peut-être un côté naturel, peut-être, à développer certains intérêts dans la vie, certaines choses, certaines œuvres littéraires, certains artistes qui nous intéressent plus peut-être en vieillissant que c'est... Bon, ceci étant dit, on veut aussi rejoindre tout le monde. Bon, il y a les facteurs économiques, il y a les facteurs familiaux, c'est-à-dire que des gens qui sont dans la trentaine, même quarantaine souvent, ont des enfants, ont des occupations qui les retiennent à la maison. Sortir un soir de semaine, aller voir un concert au Palais Montcalm ou au Grand Théâtre de Québec avec les enfants qui ont les devoirs, puis les bains à prendre, tout ça. Il y a ça et dont il faut tenir compte. Maintenant, il y a aussi toute l'éducation. Je veux dire, les têtes grises dont on parle ont peut-être eu l'occasion parfois d'aller à des matinées scolaires quand ils étaient jeunes. Est-ce que c'est aussi vrai maintenant? Ça reste à voir. Moi, je trouve qu'on entend beaucoup moins de musique classique qu'on en entendait avant. Mm-hmm. Sur les ondes, des différentes radios, entre autres. C'est certain. Sur les que... ondes de la télévision, on n'en entend à peu près pas, mm-hmm. sauf l'émission du vendredi soir à Radio-Canada, Les Jeunes Virtuoses, avec Grégory Charles. Hier soir, c'était la finale. Il y a des musiciens extraordinaires. L'émission de Québec, d'ailleurs. Oui, mais c'est la seule émission où on entend, je veux dire grand public, où on entend de la musique classique. Sinon, il faut aller dans des canaux spécialisés comme Art TV ou des trucs comme ça. Marie, vous faites quoi, vous autres, pour essayer de rajeunir votre clientèle? Ah, mais parce c'est que, sûr mais que... Ça, vous faites beaucoup d'efforts au club. On fait, oui, c'est sûr qu'on fait des gros efforts. En même temps, quiconque trouvera la solution. on cherche des solutions, personne n'a encore mis le doigt dessus, manifestement, mais j'approuve un peu l'analyse... L'analyse que Laurent fait de la situation, je pense, là, que c'est manifestement un métier, une passion qui continue d'être présente justement chez les jeunes qui sont sur la scène. Oui, il y en a beaucoup, tu sais. Je veux dire, pour qui c'est le travail. Donc, eux sont présents au rendez-vous, mais là, quand c'est le temps de passer au loisir, ben, en tout cas, il y a peut-être toutes sortes de contraintes là, qui se présentent. Il y a une question d'habitude aussi, mm-hmm. beaucoup qui est à prendre quand on est jeune, puis que peut-être été négligé. Je veux dire, ça rejoint peut-être la question des matinées mm-hmm. symphoniques, mais en même temps, la question aussi de que les gens se sentent à l'aise d'aller au concert avec des enfants. Je me souviens d'un séjour à Moscou que j'ai fait, puis je suis passée devant une salle de concert où ils sortaient de l'orchestre symphonique, puis c'était un concert vraiment normal, puis plein de monde sortait avec des enfants, puis c'était usuel, là. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Voilà. Chose qui peut-être si a pas été a été reléguée un peu aux oubliettes là, puis c'est... Oui. Je pense réinstaller un confort dans le fait que c'est normal que ton voisin bouge un peu s'il a 11 ans, mais en même temps le voisin de 71 ans souvent il bouge, ça fait que c'est comme je pense qu'il y a une espèce d'égalité, c'est là-dessus qu'on travaille. Nous, je plains que les enfants peuvent faire du bruit, mais pourtant il y en a tellement qui toussent puis qui sont pas et c'est normal aussi de pas tout aimer, c'est-à-dire que si le problème c'est que en musique classique, bon, l'éventail est tellement vaste. Si on y va une fois à l'occasion, ça se peut très bien que ça nous corresponde pas. Je veux dire, dans la musique est, entre la musique médiévale ou la musique de la Renaissance, puis le bel canto par exemple, ou la musique du 20e siècle de Bartok, on peut trouver toujours chaussure à son pied, et c'est normal. Je pense que, mais c'est en entendant plusieurs, en étant témoin de différentes choses qu'on vient à à découvrir certaines passions, certaines. Mais pour ça, il faut y être exposé. Donc, c'est un peu l'œuf ou la poule. Ou bien on y est exposé, puis on a une culture, puis on développe des intérêts. Ou bien on n'y est pas trop exposé, puis le peu qu'on voit ou qu'on entend, ben si ça ne correspond pas, ben les portes se referment. Donc, les médias de Québec ne sont pas très présents non plus dans la musique classique à Québec. Absolument. Je pense qu'ils font leurs efforts, mais pas. Pas suffisamment. Par contre, quand il y a une jeune vedette, Jean Rondeau, qui est un jeune clavecinéiste avec la barbe et les cheveux longs, là, ça remplit. Et là, tout le monde voulait l'avoir à Québec. Il est passé au Soleil, à Radio-Canada, etc. Il y a un vedettariat aussi, donc... Certainement. Oui, je pense que oui. Pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Mais c'est certain que... Je pense qu'un artiste qui est là juste pour jouer... C'est pas intéressant, ça prend quelque chose de croustillant pour. C'est ça. C'est pour ça que je dis pour le meilleur, pour le pire. C'est-à-dire que tant mieux si un artiste très intéressant, très valable, a aussi quelque chose à raconter, de parallèle à la musique, par exemple, mais c'est pas, ça va pas de soi. Donc, il nous reste quelques secondes pour vous dire que nous sommes en plein Radioton. Et que ben, ça va être une période de sollicitation, si je ne m'abuse. Donc, l'idée, c'est de donner à CKRL pour que vous puissiez continuer à entendre les belles musiques qu'on vous propose tous les samedis matins, en fait, presque 24 heures sur 24, pendant 366 jours par année, minimum. De retour à l'émission classique, toujours spéciale Radioton de CKRL, avec Marie Fortin, directrice musicale, c'est tout artistique. Du Club musical de Québec, et Laurent Patnaud, animateur, directeur de l'administration artistique des Violons du Roi. Bravo. Bon, bravo. Une question, est-ce que la musique classique, enfin, ce qu'on appelle musique classique, c'est tellement faux. Puis classique, c'est rien que 50 ans d'histoire, ça, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, si on voulait être puriste, oui. Donc, ce qu'on appelle la musique classique en général, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, les musiques anciennes, finalement, savantes, on dit ça comme ça. Est-ce que c'est une musique de snob? Parce que, quand on va au concert, il faut se taire, il ne faut pas déranger personne. Et, en principe, ça devrait être de même dans tous les concerts avec lesquels on assiste. Même un concert de Bon Jovi, par exemple, mais ce n'est pas le cas. La réponse courte, non. La réponse, par rapport au silence, ça peut être effectivement, on peut se dire, ouais, il faut bien se tenir parce qu'il ne faut pas dépasser tout ça. Mais le rapport au silence de la musique classique est essentiel. C'est-à-dire que c'est pas grave si quelqu'un tousse ou fait un peu de bruit, mais le rapport, d'abord, le niveau sonore n'est pas le même que pour Bon Jovi. On s'entend. Mais aussi, c'est que, et d'ailleurs, si vous écoutez, je ne sais pas si vous le faites des fois, mais écouter de la musique classique en voiture, par exemple, c'est assez frustrant en général. Oui. Parce qu'il faut toujours monter ou descendre le volume, alors que si on écoute de la chanson populaire, en général, on n'a pas trop de problèmes. Et c'est parce qu'on passe du triple pianissimo au quadruple forte. Donc, le rapport au silence est extrêmement différent. Puis, par exemple, un récital de Schumann ou un récital de Schubert, les mouvements là. Le silence est presque aussi important que la musique. Donc, fait partie de. Donc, si le silence est ruiné parce que tout le monde bouge et parle, c'est un peu difficile d'apprécier. Mais en même temps, il y a des contextes, je pense à l'opéra au 18e siècle. les gens mangeaient, jouaient aux cartes en même temps qu'ils écoutaient. Donc, il y a parfois une espèce de sacralisation du concert qui est un peu, effectivement... Ils se battaient même à l'occasion. Oh, oui, mais des fois, ça peut être un peu coincé, un peu dans un carcan parfois inutile, mais le rapport au silence, pour moi, est quand même quelque chose d'important. Puis, je pense que, je ne sais pas qui a dit ça, mais la musique, en grande partie, surgit du silence. Donc, et d'ailleurs, c'est la beauté du Palais Montcalm. Le Palais Montcalm offre un silence presque parfait. Oui. Donc, si personne ne bouge, oui. Et donc, la musique a vraiment toute la place. Parce que dans plusieurs salles de concert, il y a un bruit de ventilation, par exemple. Donc, si on évaluait le nombre de décibels, ce serait jamais zéro. Jamais zéro. Donc, Palais Montcalm réussit à peu près ça. Je laisse la parole à Marie. Je pense, pour compléter, en fait, dans certains concerts, il y a des moments qui se créent où on sent que tout le monde est comme entraîné là, dans quelque chose de simultané. Puis le silence, c'est comme une partie clé de ça. Pas parce que les gens s'imposent le silence, mais parce que c'est naturel. Je veux dire, les gens sont tellement hypnotisés par ce qui est en train de se passer. Là, dans la musique, il y a un silence. Tout le monde respire en même temps. Tu sais, ça fait que c'est... Absolument. Pour laisser l'occasion à ces événements-là de se créer, je pense que le silence a sa place. Oui. Mais c'est un silence actif, c'est pas un silence passif et juste de contrainte. Hier soir, il y avait un concert à Montréal, des Violons du Roi. Ils ont joué l'Adagio de Bruckner et silence a duré au moins 4 secondes, 4, peut-être 5 secondes après la fin du mouvement. 5 secondes où 500 personnes gardent un silence, c'est quand même quelque chose. C'est long, 5 secondes habité par 500 personnes. Ça a été comme ça pour l'Adagio de Barber, qui aussi, a joué au Violon du Roi. Il était, après l'Adagio, c'était le silence complet. Oui. Et c'était le silence complet durant toute la performance. Oui. Et j'ajouterais que c'est un silence, pour moi, c'est un silence musical. La musique est encore là. Oui, mais je pense que le silence est une partie des choses, est une partie de l'aspect. Peut-être qu'il y a d'autres aspects qui briment les gens, comme quand est-ce qu'il faut que j'applaudisse, tout ça. Mais ça, je pense qu'il faut arrêter de capoter avec ça. Absolument. Puis il y a personne, ça m'est arrivé entre deux mouvements, je veux dire, quelque chose de vraiment prenant où tout le monde s'est enthousiasmé. Puis là, ça jaillit, là. C'est plus fort que nous. Puis personne s'est offusqué. Tout le monde a bien senti que c'était de l'enthousiasme bien placé. Puis même s'il y avait eu juste une personne, je me suis demandé, il faut pas que les gens se sentent coupables. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Ils sont pas tous des Keith Jarrett qui engueulent leur public. c'est une question. Donc, là, on parlait du silence, mais ça ne change rien à la question. C'est une musique de snob. Est-ce qu'il faut avoir, une érudition pour aller à la musique de snob? Je n'y vois pas parce que je ne connais pas ça. Non, pas du tout. Mais en même temps, je dirais oui, non, mais c'est-à-dire que. Non, ça ne demande pas d'érudition. Du moment qu'on a une capacité à vraiment écouter, à se mettre disponible pour quelque chose, on peut comprendre et apprécier à peu près n'importe quoi. Du moment qu'on se met en disponibilité. Par contre, je pense que il y a aussi plus on écoute, plus on a de références, plus on peut apprécier. C'est comme quelqu'un qui apprend à apprécier le vin ou la bonne nourriture. Plus on a de références, plus on a d'expérience, plus on peut apprécier. Mais un n'empêche pas l'autre. Il faut commencer quelque part. Puis, en même temps, des fois, le fait de ne pas connaître ou de ne pas nous permet d'avoir une écoute et un regard absolument frais sur quelque chose et qui n'est pas conditionné par tout ce qu'on connaît déjà. Puis par contre, il existe aussi des musiques plus érudites, puis c'est là que ça revient à ce que tu disais tantôt. Des fois, tu vas au concert puis tu tombes sur quelque chose que c'était ta première fois puis tu n'étais pas prêt à ça, puis t'es mieux d'y retourner pour essayer d'autres choses jusqu'à temps que ça revienne. Absolument. Il y a des musiques contemporaines qui sont un peu, comment dirais-je, pas si simples que ça d'approche. Même des grandes musiques romantiques. Oui. Ou même, il y en a qui, pour qui Mozart va être une musique trop Il y a Haydn aussi, mais ça c'est une autre question. Je pense qu'on peut écouter en parlant pas de Haydn mais du violoncelle, parlant de c'est Carl Philipp Emanuel Bach. Oui. C'est lui qui se faisait garder le CPE. CPE. Thank you. Donc, de retour. Marie. Oui. Donc, la musique classique, c'est pas une musique de snob. Ah oui, c'est là qu'on en était. Ben oui. Non, je pense pas. Surtout, on a toutes sortes d'expériences où on a sûrement tous déjà vu des situations où quelqu'un a chanté dans un contexte, je sais pas, familial ou autre, puis là, d'autres se sont mis à pleurer. Il y a des réactions très émotives associées à des premières ou pas des premières expériences de musique classique. Ça fait que je pense que non. Je réponds non, comme Laurent. OK. Donc, finalement, effectivement, je suis d'accord avec ça. À mon avis, il suffit d'en faire entendre à qui que ce soit, aux jeunes plus particulièrement. Mon fils, il avait 3 ans. Puis à un moment donné, on était en train d'écouter Bach. Oui. D'écouter la messe en si. Puis il y a un air de soprano dans ça qui est absolument magnifique. Puis, ah! Il lève la tête, il est en train de jouer avec son joie. C'est du Bach, ça, papa? Alors là, papa, il a levé de 3 pouces de son siège, il évitait. Parce que son fils avait reconnu Bach. J'avais une amie qui avait son petit garçon de 5 ou 6 ans. Et son DVD préféré, c'est La Flûte enchantée de Mozart. Et c'est ça qu'il demandait. Puis c'est devenu un jeune musicien qui s'intéresse beaucoup. Évidemment, quand on baigne là-dedans, c'est plus facile aussi. Quand on est, comme on dit tout à l'heure, quand on est exposé à ça, il y a plus de chances qu'on soit intéressé. En effet, mais je pense aussi que parfois on sous-estime peut-être la capacité des gens à absorber. Oui. Je veux dire, moi j'ai une anecdote que je raconte souvent, c'est d'avoir amené ma fille qui avait 6 ans à ce moment-là au Festival d'opéra pour aller voir L'Amour de loin. Qui était un opéra contemporain, oh boy, mis oui, en scène par Robert Lepage. Mm-hmm. Puis j'étais à le deal, si on peut dire, c'est que j'allais la chercher à l'entracte, puis je me disais, ça va être assez, elle va en avoir assez. Puis j'étais arrivée à l'entracte, puis elle m'a supplié de rester. Puis à la fin, elle a dit que c'était la plus belle soirée de sa vie. Ça fait que je pense que des fois, la réceptivité, je veux dire, chez les enfants ou des adultes, là, je pense que des fois, on accorde peut-être notre attention. Alors, pas une dernière à la bonne anecdote. Chose. Il y a la librairie La Force sur la rue Saint-Jean et le libraire, c'est un fan là, des Carmina Burana. Ah oui? Mais médiéval. Médiéval, OK. Et il a appris les chansons à ses enfants. C'est ceux qui chantent en auto. Pour vrai? Les extraits des Carmina Burana. Ah ben c'est pas mal ça. Alors, tu peux s'apprendre. Sans nécessairement comprendre ce qu'ils chantent peut-être. Donc, la musique classique, c'est pas de la musique de snob. C'est de la musique qui s'apprend comme toute autre musique et on peut y découvrir. On y découvre. Et redécouvre à chaque fois des bijoux. Pour continuer dans la saison, on parlait de vedette tantôt, on a parlé de Rondeau, qui est tout un numéro. Yu Jia Wang? Oui, Yu Jia Wang. Et puis Gauthier Capuchon, ça va être un duo électrisant. Absolument, absolument. Donc, dans la prochaine saison, on a les deux frères Capuçon, en fait, mais qui viennent séparément. Donc, Renaud, le violoniste, va venir donner un récital à la toute fin de la saison. On ne sait pas de ce qu'il va jouer. Mystère okay, encore. On sait qu'il va être là, mais on n'en sait pas plus. Puis, juste avant, il y a Gauthier Capuçon, donc son frère violoncelliste, qui va être là avec Yu Jia Wang. L'occasion d'accueillir ce concert-là, c'est que Yu Jia Wang va être artiste en résidence au Carnegie Hall de New York en 2018-2019. Okay. Ce qui lui permet, elle a une espèce de carte blanche, si on peut dire, sur différents projets. Comme Janine Janssen, finalement. Exactement, comme Janine Janssen qu'on a reçue cette année dans le même cadre. Donc, elle avait proposé le concert qu'on a présenté en musique de chambre. Et puis, ils ont tenu à faire tourner ce concert-là pour quelques dates pour, bien sûr, rentabiliser le fait de venir faire venir les musiciens d'Europe. Donc, c'est un peu un contexte similaire. Donc, Yuja qui présente à New York différentes formations artistiques, seules avec orchestre, en duo, en musique de chambre, avec des humoristes aussi. Mais à Québec, c'est le concert avec Gauthier Capuçon qu'elle va venir donner. Qui est déjà venu, Gauthier Capuçon. Gauthier qui est déjà venu à deux reprises, une fois avec Renaud, puis une fois en duo avec Mannheim Pressler. Et puis, Yuja, ça faisait longtemps qu'on attendait de la faire venir. C'est un grand événement. Oh, ça va sûrement être plein. En tout cas, j'espère pour vous autres. C'est bien parti. On va l'écouter, tiens, la Yuja Wang en question. C'est tout un personnage médiatique aussi. Thank you. On est de retour, on est de retour même pour conclure. Déjà. Et on a parlé de la saison des violons du roi, on a parlé de la saison du club musical. Mais Marie, tu as autre chose à nous proposer? Mais il y a tellement de dévoilements qui s'en viennent encore devant nous, c'est-à-dire que là, il va y avoir le domaine Forgette, il va y avoir le festival d'opéra, il va y avoir... Les 40 ans du domaine Forgette. Exactement. Oui, oui. J'en oublie, c'est sûr, il va y avoir musique de chambre aussi à Sainte-Pétronée, puis un petit peu plus tard, il va y avoir le printemps de la musique à Québec, qui va être dévoilé. Donc, 13 organismes musicaux de Québec qui se concertent pour vous préparer un événement spécial. Ça peut être une belle porte d'entrée aussi dans la musique classique, d'une certaine Exactement. Façon. On peut pas vous en dire beaucoup parce que ça va être quelque chose... un nouveau concept qui va être présenté le 8 mai, mais c'est très unificateur de la communauté musicale, puis comme dit Laurent, une excellente porte d'entrée pour essayer de voir quel est son style en musique. Mais il faut savoir qu'à CKRL, on parle, on annonce toutes ces saisons-là. On a commencé à le faire il y a quelques semaines. On a parlé de la saison du club, celle des violons, celle de l'orchestre symphonique. On va parler... celle du domaine Forget. Et c'est toi ce que donc tu voulais nous parler pour moi conclure. Ce que je voulais, moi c'est un enregistrement, une grande primeur pour le Radioton de CKRL que je vous ai apporté. Donc un artiste qui va faire partie de la saison encore non dévoilée de musique de chambre à Sainte-Pétronille. Et puis c'est un enregistrement qui n'est pas encore commercialisé, qui est tout frais. Donc c'est d'un... J'espère qu'on va être capable de le faire entendre. Ben j'espère que oui. Vous allez être bon pour l'iPod les garçons? OK, un instant. Donc, c'est... Donc, c'est un pianiste de Québec, donc je tairai encore le nom. Ah, on le dit soit... pas? On ne dit pas c'est qui. Je dis juste que c'est un grand pianiste de Québec qui a une belle carrière internationale puis qui va sortir bientôt ce disque. Puis il jouera ceci à Sainte-Pétronille cet été. Si ça vous plaît, ben vous y irez. On sait-tu quand? En juin. Fin juin. OK, donc ça va être annoncé lors de... Ça va être annoncé au lancement le 26 avril. Donc, on va écouter ça pour conclure notre émission. Marie Fortin, Club Musical, merci. Laurent Patnaud. Merci beaucoup, Gilles. Merci. À la prochaine. Longue vie à CKRL. Longue vie à CKRL.